suis là pour faire mentir le vieil adage selon lequel les victoires ont 100 pères et les défaites sont orphelines. L'homme qui prononce cette phrase au cours d'une conférence de presse en avril 1961 s'appelle John Fitzgerald Kennedy. Et d'une façon assez téméraire, il assume la responsabilité d'un désastre, celui du débarquement de la baie des Cochons à Cuba. Une opération militaire qui a coûté la vie à des dizaines d'hommes et abouti à la capture par les troupes de Castro de centaines d'autres. Mais, paradoxalement, aussitôt après cet aveu, la cote de popularité de Kennedy monte au plus haut. Les Américains ont été visiblement touchés par les accents de franchise de leur nouveau président. À plusieurs reprises, M. X m'a parlé du président Kennedy et de son frère Bobby. D'abord, à propos de l'élection de John, où la mafia a joué un rôle déterminant, on le sait aujourd'hui. Ensuite, il a évoqué la crise des missiles soviétiques installés à Cuba. M. X m'a aussi affirmé que l'assassinat du président américain avait été préparé par les hommes de la mafia, des truands qui régnaient autrefois en maître sur Cuba. Enfin, mon interlocuteur m'a parlé de Robert Kennedy, qui a commandité personnellement plusieurs tentatives d'assassinat de Fidel Castro, avec l'aide de tueurs de la mafia. La mafia, Cuba. Ces deux mots reviennent de façon obsessionnelle lorsqu'il faut évoquer la courte présidence de John Fitzgerald Kennedy et sa mort. Et c'est pourquoi une nouvelle fois, M. X m'a proposé de revenir sur le sujet à propos de cette désastreuse affaire de la baie des Cochons sur laquelle on a longtemps raconté n'importe quoi, à commencer par le président Kennedy lui-même. Mais avant d'écouter M. X, une parenthèse. J'ai découvert cette semaine, un peu par hasard, que le Mossad aussi s'était intéressé aux circonstances au cours desquelles Kennedy avait été assassiné. C'est un ancien agent des services israéliens, Victor Ostrovsky, qui le révèle dans un livre confession intitulé tout simplement « Mossad » et publié par les presses de la cité. J'en extrais ces quelques lignes. Le Mossad conservait tous les films sur l'assassinat de Dallas, possédait des photos de la région, la topographie des lieux, des photos aériennes. Il fabriqua des mannequins et recommença un nombre incalculable de fois l'expérience du défilé avec le raisonnement suivant. Si je dois utiliser un fusil de haute précision, je ne me poste pas n'importe où. Je choisis un endroit où je pourrais apercevoir ma cible le plus longtemps possible, à une distance la plus réduite possible, tout en évitant de me faire remarquer. Avec ces données, le Mossad choisit les points de tir les plus appropriés, y posta plusieurs tireurs qui tirèrent simultanément. Pendant les reconstitutions, les tireurs du Mossad, avec un équipement plus puissant, visaient la cible, leurs armes calées sur des trépieds, et criaient feu dans un micro pour déclencher un rayon laser désignant l'impact des balles sur les corps, dans la voiture et leur point de sortie. Ce n'était que des reconstitutions, mais elles démontraient qu'Oswald n'avait pas pu agir comme on l'a prétendu. Ostrovsky en conclut donc, comme ses chefs du Mossad, que Lee Harvey Oswald, l'assassin officiel de Kennedy, n'était qu'un leurre. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous allez encore me demander pourquoi je me suis intéressé à cette affaire de la baie des Cochons. Si vous faites aussi les questions, moi je me tais. Enfin, je commence à vous connaître, alors je précède votre curiosité. Et voilà la réponse. En février 1960, les États-Unis ont décrété un embargo sur les armes destinées à Cuba. Et Fidel Castro venait tout juste d'arriver au pouvoir. Il avait chassé le dictateur Batista un an plus tôt, en janvier 1959. Et déjà, ses relations avec les États-Unis s'étaient tendues. Mais nous allons y revenir, car c'est important. Donc, Washington décrète un embargo. Et quelques jours plus tard, un cargo explose dans le port de La Havane. Accident, attentat Un attentat perpétré par la CIA. Et dans les services, nous nous sentons très concernés. Mais pour quelle raison? Ce cargo était français et il était chargé de munitions. De munitions destinées à Cuba? Oui. Comme vous le savez, les services secrets sont souvent impliqués dans les livraisons d'armes. Par conséquent, nous avons commencé à nous intéresser d'un peu plus près aux relations entre Cuba et les États-Unis. Et très vite, nous avons compris qu'elles ne pourraient aller qu'en se détériorant. Parce que les Américains ne pouvaient admettre la présence d'un gouvernement communiste à moins de 200 km de leur côte. Oui, mais enfin, en 1960, Fidel Castro n'était pas encore communiste. Et s'il l'est devenu, c'est en grande partie à cause des Américains. Expliquez. Au départ, les États-Unis ne sont pas hostiles à Castro et à sa bande de Barbudos. Je peux même vous dire que la CIA leur a donné un coup de main quand ils étaient encore dans le maquis. Mmh. Pourtant, Batista aussi était soutenu par Washington et Cuba, à l'époque, était une sorte de succursale américaine. Mais un paradis pour la pègre américaine, c'est vrai. Mais les Américains avaient aussi compris que Batista était fichu. Alors ils ont changé de cheval au milieu du gué. Et ils ont fini par aider ce grand jeune homme qui était certes révolutionnaire, mais qui était issu d'une famille bourgeoise très riche. Et qui donc n'était pas encore communiste. Enfin, c'était la conviction de la CIA. Son patron de l'époque, Alain Delos, a même déclaré devant une commission sénatoriale que Castro ne travaillait pas pour les communistes et qu'il n'avait aucun penchant pour eux. Curieux quand même. Pas tellement, non. Je crois que sincèrement, les Américains voyaient alors en lui un nationaliste, et même une sorte de héros. Oh non, là, vous exagérez quand même. Pas du tout. 3 ou 4 mois après son arrivée au pouvoir, Fidel Castro se rend aux États-Unis afin de rencontrer le vice-président, Richard Nixon. Et puis, il reçoit là-bas un véritable triomphe. Faut pas l'oublier quand même. Non, mais les choses se sont gâtées assez rapidement. Bon, alors pourquoi exactement? Les premières mesures prises par Castro agacent. Les nationalisations. Oui, la réforme agraire, c'est-à-dire la redistribution des terres. Non seulement ces réformes laissent quelques intérêts nord-américains, mais elles donnent un très mauvais exemple. Aux autres pays d'Amérique latine. Bien entendu, des pays où les grandes compagnies agroalimentaires américaines sont toutes puissantes. Mmh. Alors à partir de ce moment-là, c'est donc la guerre. Oui. Oui, l'état de grâce n'a guère duré. Dès le mois de novembre 1959, la CIA est chargée par le président Eisenhower de tout mettre en œuvre pour chasser Castro du pouvoir. Tout, c'est-à-dire? Je vous laisse imaginer. Quand la CIA reçoit pour mission d'évacuer un chef d'État étranger, elle ne recule devant rien. Et on l'a vu à de nombreuses reprises en Amérique du Sud, au Guatemala par exemple, ou encore plus tard au Chili, où ce cher Henry Kissinger a lui-même mis la main à la pâte pour se débarrasser de Salvador Allende. Mais à Cuba, il y a un obstacle. C'est quoi l'obstacle de quoi? La popularité. L'immense popularité de Castro et du nouveau régime. Difficile d'agir dans ces conditions car il faut des complices sur place. Et on verra plus tard que la CIA échouera à plusieurs reprises dans ses tentatives. En tout cas, le résultat de cette hostilité ouverte, c'est que peu à peu, les Américains vont pousser Castro dans les bras des Soviétiques. Parce qu'il a besoin d'aide. Naturellement. L'économie de Cuba est dans un triste état et la misère est généralisée dans le peuple, et surtout chez les travailleurs ruraux. Et si l'Amérique se refuse, c'est forcément vers l'URSS que se tourne Castro. L'URSS, mais aussi la Chine, bien évidemment. Et la conséquence, c'est que le régime castriste va aussi évoluer progressivement vers le communisme. Comment c'est donc, si les États-Unis avaient accepté d'aider Cuba, l'île aurait échappé au communisme? Ça, j'en suis persuadé. Je ne suis pas le seul à le dire. En 1960, avant d'être élu président, John Kennedy lui-même a écrit que le passage au communisme de Castro était le résultat des maladresses du gouvernement républicain. Et celui d'Eisenhower. Oui. Oui, mais cette affirmation est peut-être purement électorale, pour embarrasser les républicains. Je ne le crois pas. À ce moment-là, Kennedy considère encore Castro comme une sorte de Bolivar. Un libérateur. Et il regrette profondément qu'on ait poussé Castro à s'engager de plus en plus aux côtés de l'URSS. Pardonnez-moi cette outrecuidance, mais c'est sans doute l'une des seules phrases lucides que Kennedy ait jamais écrites sur Cuba. Décidément, vous ne l'aimez pas. Hein. Mes sentiments personnels n'ont rien à voir. J'essaie de voir les choses lucidement. Il ne fait pas de doute que le personnage de Kennedy a été médiatiquement enjolivé et qu'on a systématiquement gommé tous les aspects douteux ou superficiels de l'homme. En tout cas, Kennedy va rapidement changer d'avis en ce qui concerne Castro. Hein. Bien sûr. Dès qu'il s'aperçoit que la dénonciation du castrisme peut être électoralement payante. Parce que Fidel Castro a cessé d'être populaire aux États-Unis. Oui, à cause de son rapprochement progressif avec le camp communiste. Donc à partir de ce moment-là, Kennedy, le démocrate, Kennedy, le libéral, va se montrer le partisan le plus intransigeant d'une politique de fermeté vis-à-vis de Castro. Il somme même le gouvernement d'agir. C'est-à-dire? Au cours de l'un de ces célèbres débats télévisés qui l'ont opposé à Richard Nixon, John Kennedy affirme qu'il faut venir en aide aux combattants de la liberté, comme il dit. Il veut parler là des Cubains exilés. Oui, des Cubains qui rêvent d'en découdre avec les castristes. Et la réaction de Nixon? Il est vice-président des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, il se doit d'être prudent. Et il répond qu'il faut respecter le droit international et qu'il est exclu que les troupes américaines interviennent à Cuba ou aident des envahisseurs. Mais les dés sont pipés. Alors que là, expliquez-moi. En réalité, Nixon est le plus farouche partisan d'une intervention américaine à Cuba. Autant que Kennedy, quoi. Et il sait, car il en était l'un des initiateurs, que la CIA entraîne déjà secrètement des centaines de combattants anticastristes. Mais il ne peut pas le dire. Et ce soir-là, à la télé, face à Kennedy, il a dû enrager de devoir garder le silence. Et cette affaire cubaine, si je me souviens bien, va être excessivement importante dans la compétition électorale entre Nixon et Kennedy. Oui, je crois vous l'avoir déjà dit. Nixon veut obtenir de son président Eisenhower une action contre Cuba avant l'élection en novembre 1960. Il sait qu'une telle initiative lui apportera la victoire. Mais de son côté, Kennedy connaît toutes les manigances de la CIA, et en particulier le plan d'invasion. Pourquoi ? Parce que la CIA a enrôlé des hommes de la mafia. Dans ces opérations anti-Castro ? Bien sûr. Enfin, la préparation. Et les gangsters sont ravis de donner un coup de main aux services spéciaux. Castro chassé, ils pourront recouvrer leurs biens, leurs tables de jeu, leur réseau de drogue et de prostitution. Mais nous le savons, les Kennedy entretiennent des rapports très étroits avec la mafia. Et dès qu'ils apprennent les plans de la CIA, ils demandent à leurs amis mafieux de tout faire pour retarder l'invasion de Cuba. Afin qu'elle ne profite pas électoralement à Nixon. Exactement. Mais Kennedy, une fois élu, est bien décidé à reprendre à son compte les plans de la CIA. Ce sera sa première grande faute. Et à terme, cela enclenchera le processus qui conduira à son assassinat en novembre 1963 à Dallas. L'attitude de John Kennedy à l'égard de Castro, en effet, curieusement évolué au cours de l'année 1960, l'année de sa compétition électorale avec Richard Nixon. Dans un livre intitulé « Stratégie de la paix », il commence en effet, comme l'a dit M. X, par affirmer que les États-Unis n'ont pas su accueillir comme il le fallait ce révolutionnaire victorieux qui a repris le flambeau de Bolivar. Mais il change très rapidement. J'emprunte ces quelques lignes à l'historien André Caspi, auteur des « 1000 jours d'un président » paru aux éditions Armand Collin. Quelques mois plus tard, Kennedy fait un virage à 180 degrés. Castro est devenu l'un des ennemis les plus dangereux de la liberté, de la démocratie et des États-Unis. Il pourrait bien gangrener toute l'Amérique latine et faire de cette région la nouvelle conquête du communisme. Et Eisenhower est coupable de ne rien faire alors qu'il devrait, en Amérique latine comme en Europe, contenir l'expansion soviétique. En septembre 1960, Castro et Khrouchtchev viennent à New York pour assister à la session des Nations Unies et se rencontrent, par hasard, cette expression étant entre guillemets, dans les rues de Harlem. La campagne pour les élections présidentielles bat son plein. Kennedy profite de l'incident new-yorkais pour dire qu'il n'est pas heureux de voir un satellite communiste à 150 km des côtes de Floride, à 8 minutes, en jet. Ceux qui affirment qu'ils résisteront à Khrouchtchev n'ont pas montré leur capacité à résister à Castro. Il faut soutenir les anticastristes, martèle Kennedy. Dès son installation à la Maison-Blanche, Kennedy encourage donc la CIA à monter son opération contre Cuba. Oui, mais il y met une condition. Il ne faut pas que les États-Unis paraissent être impliqués. Ouais. Et quel est le plan prévu ? Le plan, plutôt, c'était son autre code. Depuis plusieurs mois, déjà, la CIA avait installé 2 camps secrets d'entraînement en Guatemala et en Nicaragua, 2 pays qui n'avaient rien à refuser aux États-Unis. Des camps secrets pour les exilés cubains ? Bien sûr, mais les instructeurs étaient américains. Et ces anticastristes étaient nombreux ? Plusieurs centaines, oui. J'ajoute que cette troupe disposait aussi d'une petite flotte aérienne, des avions donnés par les États-Unis et repeints aux couleurs cubaines. Car l'idée, c'était de faire croire à une révolte interne. C'est-à-dire une révolte de pilotes cubains ? Oui, des hommes qui seraient censés se retourner contre leur propre armée, tandis que les combattants anticastristes débarqueraient sur l'île afin d'appuyer cette mutinerie. D'autre part, la CIA appuyait une petite guérilla sur l'île même et la ravitaillait régulièrement par des parachutages d'armes et de vivres. Enfin, des hommes des services secrets avaient installé une station de radio dans une île américaine située à proximité de Cuba. Le président Kennedy connaissait donc parfaitement ce plan plutôt, c'est tout ça ? Tout à fait, oui. Il en savait même la disposition la plus secrète. Qui était Il était prévu simultanément de faire assassiner Castro. Une besogne que la CIA, toujours en accord avec le président Kennedy, avait confiée à des hommes de la mafia. Ce que vous dites là, mais déjà à mal la version de John Kennedy qui prétendra, après le désastre de la baie des cochons, avoir été abusé, sinon manipulé par la CIA. Bon, c'est naturellement un mensonge. Et vous savez que pour donner encore un peu plus de poids à cette falsification, Kennedy procédera à des purges sévères à la tête de la CIA. Mais cela veut dire tout de même que Kennedy, s'il donne son feu vert à l'opération... C'est une opération préparée par son prédécesseur. Oui, d'accord. Mais enfin, s'il donne son feu vert... C'est qu'il croit à la réussite du plan de la CIA. Ah, certainement, même si au fil des semaines, il nourrira de plus en plus de doutes. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les hommes de la mafia échouent à plusieurs reprises dans leur tentative d'assassiner Castro. Qu'est-ce qui était prévu déjà ? Un empoisonnement. Et en premier, et puis ensuite, les chefs de la mafia avaient fait parvenir des capsules d'un poison mis au point par les spécialistes de la CIA à un traître qui se trouvait dans l'entourage de Castro. Qui c'était celui-là ? Son secrétaire particulier. Mais l'homme a sans doute été découvert et éloigné. Alors la CIA et les gangsters ont imaginé d'autres moyens, mais à chaque fois ils ont échoué. Bah, c'était pourtant, si je puis dire, des professionnels. Peut-être, mais Castro était très sérieusement protégé et les gangsters qui avaient autrefois régné sur l'île avaient perdu une grande partie de leurs contacts d'autrefois. Ces échecs répétés ont donc déjà semé le doute dans l'esprit de Kennedy. Oui, car l'assassinat du leader cubain était une pièce essentielle pour le dispositif. Mais alors, autre raison De toute évidence, la CIA avait sous-estimé le soutien populaire dont jouissait Castro. Et Kennedy s'en est rendu compte ? Je le pense. Si le régime castriste n'avait pas été aussi populaire, la guérilla entretenue par la CIA dans les montagnes du centre de l'île aurait certainement obtenu du succès. Or, malgré les parachutages, elle périclitait à vue d'œil. D'autre part, le débarquement lui-même paraissait militairement très risqué. Pour quelle raison ? Parce que c'est toujours une opération difficile. Les Américains étaient bien placés pour le savoir. Il faut beaucoup de moyens, une longue préparation, et surtout, en face, les troupes anticastristes auraient à faire face à une armée largement supérieure en nombre. Enfin, il y avait une dernière raison qui pouvait faire douter du succès de l'opération. Laquelle ? Le secret n'avait pas pu être maintenu. Il y a eu des fuites, hein ? Oui. Kennedy vient à peine de prêter serment lorsqu'un journaliste du New York Times révèle le poteau rose. Le plan de la CIA ? Quand même pas. Enfin, dans ses grandes lignes, le plan plutôt demeure secret. Mais le journaliste rend public l'existence de camps d'entraînement des anticastristes au Guatemala. Donc, conclusion, Castro sait désormais qu'on prépare quelque chose contre lui. Oui, il n'a aucun mal à deviner que ce sont les Américains qui financent le camp d'entraînement. J'ajoute, mais la CIA ne le sait peut-être pas encore, que le milieu des Cubains exilés, un milieu bavard et haut en couleur, est déjà largement infiltré par les agents castristes. Ça signifie que Castro n'ignore rien de ce que les États-Unis trament contre lui. Alors logiquement, devant tous ces arguments, Kennedy aurait dû annuler l'opération prévue par la CIA. Non, c'était impossible, il était coincé. Attends, expliquez alors. Politiquement, Kennedy s'était trop engagé pendant sa campagne électorale. Il était donc obligé de mettre tout en œuvre pour abattre Castro. Sinon, il risquait d'être accusé de faiblesse. Oui, mais il s'était mis dans une situation impossible. Et dont il était la première victime, on ne joue pas inutilement les va-t-en-guerre. Mais il y avait aussi le poids de ses amis du crime organisé. Ces gangsters avaient mis le paquet pour favoriser son élection. Il fallait donc les remercier. Et la principale revendication de ces hommes de la mafia, c'était le renversement de Castro. Mais afin de pouvoir à nouveau faire leurs petites affaires à Cuba. Bien sûr, c'est pourquoi je vous l'ai dit. Kennedy était complètement coincé, il ne pouvait pas renoncer ou annuler le plan de la CIA. Mais c'est sans doute l'une de ses plus grosses erreurs. Il va y aller à reculons. Et ses atermoiements, ses hésitations vont faire en sorte que cette opération militaire déjà risquée va se transformer en véritable catastrophe. À la fois pour les Cubains qui vont être engagés, mais aussi pour le gouvernement des États-Unis. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dans un livre passionnant sur l'histoire aéronautique des services secrets américains, Les ailes de la CIA, paru aux éditions Histoire et Collection, le journaliste Frédéric Lair évoque longuement cet épisode de la Baie des Cochons et il analyse les critiques formulées contre le projet de la CIA, notamment par les responsables des Marines. Je le cite. D'autres critiques de fond portèrent également sur les aspects logistiques de l'opération. Il était prévu que les navires de la brigade déchargeraient leur cargaison, vivres, munitions, moyens de soutien, sur des plages complètement dépourvues d'infrastructures adéquates. Sans réaction adverse, ce sera déjà difficile, pronostiquèrent les Marines. En cas de combat sur les plages, ce sera tout simplement impossible. La CIA balaya ses arguments. Excès de pessimisme. De toute façon, les Cubains ne réagiront pas et seront tétanisés et désorganisés par des raids aériens préventifs. Il n'y aura aucune opposition sur les plages. La CIA tablait en outre sur un ralliement populaire massif. Tous n'étaient pas aussi confiants. Même en cas de réussite du débarquement, certains se voyaient déjà engagés dans d'interminables combats de rue contre les castristes. J'avais eu de graves doutes sur l'opération, expliquera John Kennedy après l'échec, tout en reconnaissant qu'il avait été stupéfié par l'ampleur de l'opération et son audace. Si l'opération avait été une réussite, peut-être l'histoire se souviendrait-elle du nom de code officiel. Mais les éditorialistes préféreraient retenir cette appellation un peu ridicule de « baie des cochons » pour désigner ce qui fut sans doute le plus grand fiasco de l'histoire de la CIA. L'échec parfait, dira plus tard un commentateur. Pourtant, du point de vue américain, en tout cas, les choses commencent plutôt bien. Le 15 avril, 6 B-26 décollent de la base aérienne secrète du Nicaragua. B-26, ce sont des avions assez vieux, non? C'est juste, ce sont des bombardiers bimoteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce sont des appareils efficaces et relativement rapides. En outre, ils ont un long rayon d'action. Mm-hmm. Et c'est nécessaire car ils doivent parcourir plus de 2000 km pour atteindre Cuba et revenir. Mm-hmm. Et quelle est la mission qu'on leur a assignée? Ils doivent attaquer les aérodromes cubains et détruire les appareils qui s'y trouvent stationnés afin de clouer au sol l'aviation castriste. Mm-hmm. En vue du débarquement? Bien sûr, pour le sécuriser. Mm-hmm. 6 avions pour neutraliser l'aviation de Castro, c'est peu, hein, même si cette aviation devait compter assez peu d'appareils. Mais vous avez parfaitement raison. Elle ne disposait alors que d'une douzaine d'avions. Et les Cubains, les oui. Cubains. Mais l'ordre de n'envoyer que 6 appareils au cours de ce premier raid est venu directement de Washington. Et pour quelle raison, alors? C'est la première reculade de John Kennedy. Car il pense, non sans raison, que l'opinion internationale ne sera pas dupe. Et qu'on verra la main des États-Unis derrière cette opération aérienne. Même si les B-26 ont été maquillés. Alors, la CIA, toujours sur l'ordre de Washington, organise une opération de diversion pour faire croire à une révolte au sein des forces aériennes cubaines. Une opération de diversion. Mmh. À peu près au moment où les B-26 atteignent l'île de Cuba, un autre appareil militaire arborant une cocarde castriste s'approche de Miami. Un panache de fumée semble s'échapper de son moteur droit. Bien que l'appareil ne soit pas annoncé, la tour l'autorise quand même à atterrir. Et dès que l'avion s'immobilise, les services de sécurité s'emparent du pilote. Ce pilote, qui est-ce ? Il donne son nom, j'ai oublié, mais enfin, peu importe. Et il déclare qu'il est pilote dans les forces armées cubaines et demande l'asile politique. Il a fui Cuba, donc? Oui. Et il a attaqué la base aérienne dont il s'est envolé avant de prendre la direction de la côte américaine. Mais il a été touché par la DCA avant de quitter l'espace aérien cubain. Son histoire paraît plausible? Oui, parce qu'on constate effectivement des traces de balles sur le carénage du moteur en feu. Mais pourtant, rapidement, on commence à se poser des questions. On commence, c'est qui ça? Des journalistes. Des journalistes américains curieux qui prennent le temps d'examiner attentivement le B-26 et qui constatent deux choses. Premièrement, les armes qui se trouvent à bord n'ont pas été utilisées. Alors que le pilote prétend avoir attaqué sa base aérienne. Oui, oui. Et deuxièmement, le type de l'appareil n'est pas en fonction dans l'aviation cubaine. En effet, les B-26 cubains ont été équipés d'un nez en plexiglas où se loge un navigateur bombardier. Mmh, et pas celui-là. Ouais. Et donc le pilote a menti et ne vient pas de Cuba, c'est exactement, clair. Exactement, hein, mais... et la suite le prouvera. L'homme qui finira par être formellement identifié est arrivé depuis plusieurs mois sur le sol américain. Et la manipulation de la CIA échoue donc assez piteusement. Mmh. Et les B-26 l'a envoyé sur Cuba? Ah, ça c'est une autre histoire. Certains de ces bombardiers ont effectué leur mission avec succès. C'est-à-dire qu'ils ont sévèrement touché leurs objectifs et détruit au sol des avions cubains. Mais d'autres ont été touchés par la DCA. Et l'un d'eux a même disparu en mer. Mmh. Alors le bilan de cette opération aérienne? Très mitigé. Une partie de l'aviation cubaine a été mise hors de combat. Mais Fidel Castro dispose encore d'appareils susceptibles d'infliger de lourdes pertes à des troupes qui tenteraient un débarquement. Ouais. Puis surtout, il sait maintenant qu'après cette attaque aérienne, ses ennemis vont passer à l'offensive. Hein. Il va donc se préparer à la recevoir. Exactement. Et toute l'île va se mobiliser contre l'invasion à venir. Donc la logique du point de vue américain voudrait que les raids aériens continuent pour en finir avec l'aviation cubaine. Mais Kennedy, une fois encore, s'y oppose. Et que craint-il alors? L'opinion internationale. La première attaque a provoqué beaucoup d'émotions dans le monde. Et comme on pouvait le prévoir, ce sont les États-Unis qui ont été montrés du doigt. Ouais, c'est-à-dire que personne n'a cru à cette fable d'un conflit interne à Cuba. Bien entendu. Mais en refusant ce second raid, Kennedy prend une lourde responsabilité. Parce que les bateaux transportant les troupes anticastristes sont déjà en mer. Et que le débarquement risque d'être catastrophique si Castro dispose encore d'avions de combat. Ouais. C'est donc le président Kennedy personnellement qui refuse de s'engager plus loin. Oui, et malgré les pressions de la CIA et des militaires. Car les Américains ont envoyé une importante flotte, dont un porte-avions, au large des côtes cubaines. Et les marins sont prêts à agir. Mais Washington ne veut pas. C'est absurde. Ou raisonnable, non? Ah, je ne suis pas d'accord, non. Moi, je ne suis pas pour les demi-mesures. C'est Kennedy, pour des raisons que je vous ai expliquées, qui a autorisé et même encouragé cette agression contre Cuba. Ouais. Une agression que je n'approuve pas. Je m'empresse de vous le dire. Mais pourquoi s'arrête-t-il à mi-chemin? Pourquoi recule-t-il au moment de franchir l'obstacle? À cet instant, il veut peut-être ménager la chèvre et le chou. Oh, sans doute. Enfin, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et c'est ce qui va se passer. Naturellement. Le 17 avril, deux jours après le bombardement des aérodromes cubains, 5 vieux cargos approchent des côtes de l'île. À bord, il y a 1300 combattants anticastristes. Un bâtiment américain les rejoint discrètement. Dans ces soutes, il y a des barges de débarquement, dont certaines sont chargées de quelques chars. Le bateau livre son matériel et disparaît. Mais enfin, c'est cousu de fil blanc. Vous voulez dire que c'est une nouvelle preuve de la collusion entre les Américains et les Assyriens? Bien sûr, et à l'aube, les anticastristes sont prêts à débarquer. Ouais. Dans la fameuse baie des cochons. Ouais. Et comment a été choisi ce lieu de débarquement? Les stratèges de la CIA l'ont choisi parce que la zone est réputée déserte et qu'il existe un petit terrain d'aviation à proximité du littoral. Donc il est prévu d'investir au plus tôt cet aérodrome afin d'y acheminer du matériel, des renforts. Mmh. Et la zone est plutôt hostile et environnée de marais. En outre, il y a un élément que les hommes de la CIA n'ont absolument pas pris en compte. Lequel ? Fidel Castro connaît parfaitement l'endroit, car c'est un de ses lieux de pêche favoris. Effectivement. Et lui aussi, il a compris que la baie des Cochons pouvait être un endroit idéal pour débarquer. Et par conséquent, il a pris ses précautions ? Oui, et il fait surveiller la côte par une unité de la milice. Et le débarquement des anticastristes ne va donc bénéficier d'aucun effet de surprise. La suite, bon, vous la connaissez. Oui, la catastrophe. La catastrophe, oui. Dès que les premiers assaillants commencent à débarquer, la chasse cubaine entre en action et pilonne en priorité les bateaux. Ouais. Et pourquoi les bateaux et pas les hommes ? Parce que les Cubains savent que ces bateaux contiennent du matériel lourd et les équipements de transmission dont ont besoin les troupes de débarquement. En coulant les bateaux, les Cubains isolent les envahisseurs. Il ne leur reste plus ensuite qu'à les éliminer progressivement au sol ou à les faire prisonniers. Ouais. À Washington, comment réagit-on ? Ben, on comprend très vite que l'opération de la baie des Cochons est promise à l'échec. Alors Kennedy revient sur les ordres qu'il a donnés. Il autorise l'entrée en action des avions de la flotte anticastriste. Il donne même l'ordre à des chasseurs américains d'effectuer des missions d'appui. Mais c'est trop tard, la cause est entendue. Des missions d'appui, mais sans participation au combat, c'est ça ? Tout à fait. Mmh. Je croyais me souvenir moi, que des pilotes américains avaient quand même pris part à l'action. C'est exact. Quatre pilotes, dont les appareils des avions appartenant à la flotte anticastriste, seront abattus. Mais est-ce que ces pilotes ont agi en accord avec Washington ? Certainement. Mais jamais les Américains ne le reconnaîtront. Et puis d'une façon assez cynique, on refusera pendant longtemps de verser des pensions à leurs veuves, pour ne pas être obligé de reconnaître l'implication américaine. Décidément, cette affaire a été minable du début jusqu'à la fin. Et est-ce qu'on peut dresser un bilan ? Oui. Une centaine de morts du côté des anticastristes et un bon millier de prisonniers. Des prisonniers que Fidel Castro relâchera plus tard contre de solides compensations financières. Castro qui est désormais certain que les Américains ne l'attaqueront pas de sitôt. Quant à Kennedy, vous le savez, il paiera de sa vie l'échec de la baie des Cochons. Car les hommes de la mafia et les exilés cubains ne lui pardonneront jamais. Pourquoi John Fitzgerald Kennedy a-t-il condamné au désastre le débarquement de la baie des Cochons ? Dans un livre récent, La face cachée du clan Kennedy, paru aux éditions de l'Archipel, le journaliste Seymour Hersh donne sa version. Le refus du président d'autoriser un second bombardement, pourtant capital, ou encore d'annuler l'invasion elle-même, fut une décision non pas militaire, mais politique. Pour les exilés cubains combattant sur les plages, elle équivalait à une condamnation à mort. Et JFK en était parfaitement conscient. Mais Khrouchtchev et lui venaient tout juste de convenir, après des semaines de contacts discrets, de se retrouver début juin en Europe pour une rencontre au sommet. Une seconde frappe aérienne risquait de montrer à quel point les États-Unis étaient impliqués dans le débarquement à Cuba et mettrait en danger la rencontre de Kennedy avec son homologue soviétique, compromettant ses chances de remporter un triomphe diplomatique dès le début de son mandat. JFK comprenait parfaitement que du point de vue de la politique intérieure, un échec de la baie des Cochons était préférable aux reproches que n'auraient pas manqué de lui adresser les républicains et les démocrates conservateurs s'il avait renoncé à ses projets d'invasion. Il apparaîtrait comme un dangereux libéral, comme avant lui Adlai Stevenson, ce qu'il voulait à tout prix éviter, même si cela devait coûter la vie à des centaines de patriotes cubains. À samedi prochain sur France Inter, et je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.